Peu après, les D'Ambreuse organisent un dîner où Frédéric retrouve notamment Monsieur et Madame Arnoux, le père Roque et sa fille Louise. Frédéric se trouvait à côté de Madame Arnoux. Il ne put s'empêcher de lui dire « Voilà longtemps que nous nous sommes vus. « Ah, répliqua-t-elle froidement. Il reprit avec une douceur dans la voix qui atténuait l'impertinence de sa question. « Avez-vous quelquefois pensé à moi ? « Pourquoi y penserais-je ? » Frédéric fut blessé par ce mot. « Vous avez peut-être raison, après tout. » Mais, se repentant vite, il jura qu'il n'avait pas vécu un seul jour sans être ravagé par son souvenir. « Je n'en crois absolument rien, monsieur. « Cependant, vous savez que je vous aime. » Madame Arnoux ne répondit pas. « Vous savez que je vous aime. » Elle se taisait toujours. « Eh bien, va te promener, » se dit Frédéric. Et, levant les yeux, il aperçut, à l'autre bout de la table, Mademoiselle Roque.